je l'ai rencontré au dépanneur. Elle s'achète une grosse liqueur. J'ai dit, pourquoi tu fais ci? Elle dit, c'est pas, je m'appelle Julie. J'ai dit, ah ouais, ah bon. Elle m'a demandé si c'était la première fois que je rencontrais une Julie aux cheveux noirs. J'avoue que c'est la première fois à soir, un petit Julie, ça va mieux que les blondes, je trouve pas en tout. Oh, wow, wow, wow, ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que je t'ai un gars patient, pis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Balabre, bip, bip, bap, bip, bap, bap, bap, on est allé au cinéma pour voir un film de Coppola. A dit j'aime mieux les Fellini puis Marcello Mastroianni. Je dis ben ça va mal. On est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. Il a dit voyons ma petite Julie, t'es prends ma vieux, t'es plus sa vie. Je dis ben toi mon vieux tabarnouche. Ah bon bon bon ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, j't'aurais pris. Dis-toi que j't'ai un gars patient, pis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Balabre vip tip bop bim bop bou. Solo dans mon cœur. Et puis un beau soir de printemps, Julie pleurait sur le divan. Ses larmes ont coulé jusqu'à moi, si bien que je me suis réveillé. J'ai dit, voyons Julie, ah! C'est qui a? Elle a nagé jusqu'à mon lit. J'ai cru qu'elle allait se noyer. Elle dit écoute-moi chérie, tu sais je ne peux pas te quitter. J'ai dit ben oui, ben non. Ben oui, ben oui, ben non. Oh, oh, oh, oh, oh, ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, j't'aurais pris. Si toi que j't'ai un gars patient, pis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Balabre, bim, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim, bap, bim. Aujourd'hui Julie a 20 ans et est mariée depuis 2 ans avec un gars de Chicoutimi. Je vous dis qu'il y a un maudit bel accent. J'ai dit teindu, teindu quoi? Elle a fait teindre ses beaux cheveux, teindu platine comme Marilyn. On s'est parlé une couple de fois au téléphone, c'était belle fun, mais on se veut plus, on se veut plus pantoute. Wow, wow, wow, ma petite Julie, moi je suis resté jeune, mais toi t'as mal vieilli. Dis-toi que je t'ai un gars patient, pis viens me revoir quand t'auras 100 ans. Viens me revoir quand t'auras 100 ans.